ses affluents étaient taris comme lui. De là, consternation générale. Un rouca, sorte de tente de cuir, dressée dans un petit terrain et abandonnée des indigènes, servit de retraite aux voyageurs épuisés, tandis que leurs chevaux, étendus sur les bords vaseux du lac, broyaient avec répugnance les plantes marines et les roseaux secs. Thalcave, Glenarvan et Robert, dont les chevaux étaient plus frais, partent alors à la recherche d'une précieuse eau. Après avoir échappé à une horde de loups, ils la trouvent enfin et la troupe se reforme.